Chapitre 43e. Une opinion généralement accréditée donne à chaque jour un lendemain. Mais le rêve de Demian paraissait devoir faire exception à cette règle, car pendant 3 fois 24 heures, il ne put arriver à rencontrer les yeux de la princesse autrement que de la façon la plus officielle et la plus réfrigérante. Le sens de l'indépendance, porté à un haut degré chez le jeune homme, se révoltait de cette sorte d'esclavage où Cléopâtre tenait sa passion amenée à son apogée, et l'amour de Demian commençait à se mêler de beaucoup d'irritation. Certaines passions coulent paisiblement comme les fleuves du pays de Tendre, entre des rives aimables, avec quelques accidents de terrain tels qu'une berge plus escarpée, un tronc d'arbre en travers, toutes choses innocentes, destinées plutôt à embellir le paysage qu'à troubler le cours du fleuve. Quand ces passions-là débordent, c'est en ruisseau de larmes, et cela ne fait de tort à personne. Avec un peu de batiste et quelques bonnes paroles, la réconciliation est bientôt faite. L'amour de Demian n'était pas de celle-là. Moins encore, il comprenait la soumission à la femme aimée. Dans les idées républicaines de ce révolutionnaire qui n'avait jamais songé à la politique, la princesse, en lui ouvrant ses bras, l'avait fait son égal. Désormais, il n'y avait plus de princesse Redine et de violoniste sans naissance et sans fortune. Il y avait Demian et Cléopâtre, absolument comme autrefois Daphnis et Chloé. Cette théorie pourrait rencontrer des contradicteurs, mais Demian ne s'en préoccupait guère. Aussi, le soir du troisième jour, adressait-il à la princesse une épître fulgurante, où il l'accusait de se moquer de lui et de n'avoir pas de cœur. À la lecture de ce singulier billet doux, Cléopâtre, au lieu de rire, rapprocha lentement ses sourcils l'un de l'autre et resta plongé dans une méditation profonde. Ceci lui déplaisait. Elle n'entendait pas se donner de maître, quel qu'il fût. Et moins que tout autre, ce musicien connu, qui, pour tout droit, alléguait avoir passé 2 heures dans son boudoir. Jamais semblable chose ne s'était encore présentée dans le cours de son existence. Mais c'est que jusqu'alors, elle n'avait reçu les hommages que de gens bien élevés, des hommes du monde, qui savaient au juste ce qu'on peut dire, ce qu'on peut demander, ce qu'on ne doit jamais exiger. Demian n'était pas bien élevé, lui. Il s'était superficiellement verni de civilisation. Il savait certainement entrer, sortir, parler, marcher, comme tout le monde. Mais le garçon indiscipliné qui s'était enfui de la maison paternelle au lieu de retourner au séminaire se retrouvait au moindre choc et perçait l'enveloppe mondaine. C'est ce fond de sauvagerie qui faisait son originalité. C'est peut-être cela qui l'avait fait distinguer par la princesse. Mais ce qui était un charme pouvait devenir un danger. Et Cléopâtre, pendant un instant, se repentit en toute sincérité de n'avoir pas prévu le cas. C'était la première fois de sa vie qu'elle éprouvait un sentiment analogue à un regret, et elle en fut surprise. Mais son nouveau protégé lui réservait bien d'autres étonnements. Le lendemain matin, convoqué comme la première fois à 10 heures, il fut également conduit dans le boudoir, où il trouva la princesse debout, vêtue de soie de perse aux couleurs sévères, enveloppée jusqu'au cou, l'air dédaigneux, et prête à lui adresser la plus verte semonce pour l'inconvenance de sa lettre. Elle croyait voir arriver un homme éperdu, fou d'amour, qui lui demanderait grâce pour sa cruauté, qui implorerait ses mains pour les baisers, qui lui donnerait enfin la jouissance rare et exquise de se sentir absolument maîtresse de ce malheureux corps et âme. Son attente fut déçue. « Comment avez-vous osé m'écrire cette lettre ridicule ? » dit-elle en le voyant paraître. « Et vous ? » riposta Demian. « Comment avez-vous osé me traiter comme un étranger après ce qui s'est passé ici ?» Elle tressaillit et le regarda en face avec le mouvement d'une vipère prisonnie. Elle rencontra 2 yeux flamboyants de colère qui n'avaient pas l'air de la craindre le moins du monde. Ces 2 regards se croisèrent pendant un instant et celui de Demian ne mollit pas. Ce n'est pas de la tendresse qu'il éprouvait pour elle, peu lui importait l'âme de cette femme. Ce qu'il voulait d'elle, c'était ce qu'elle lui avait déjà donné, la double ivresse de l'amour et de l'orgueil. Demian était si beau dans son attitude menaçante que la princesse n'eut pas le courage de lui tenir rigueur. Elle éclata de rire et s'assit sur un fauteuil. Il s'assit en face d'elle. « Vous êtes du dernier mauvais goût, mon cher, » lui dit-elle en continuant à rire. « On ne fait pas de ces choses-là. » qu'est-ce qu'on ne fait pas? À mon idée, on ne dit pas à un homme « je vous aime » pour le laisser à la porte pendant 3 jours comme un chien. Je vous ferai observer que vous avez été reçu ici tous les soirs, dans votre salon, interrompit Demian en haussant les épaules, comme vos amis, comme votre rabbène que je déteste. Tant d'honneur à ce cher comte, et pourquoi? Parce qu'il fait la cour à Mlle Hélène? Demian, étonné, regarda la princesse d'un air stupéfait. Vous n'en savez rien. On ne vous dit pas tout, mon cher. Laissez-le donc tranquille. Qu'est-ce que cela peut vous faire? Cela ne me fait rien, reprit-il avec son sang-froid reconquis. Vous me recevez dans votre salon comme un étranger. C'est ici que je veux être reçu. Le roi dit « Nous voulons », fit Cléopâtre en français avec un accent ironique. Vos finesses françaises, répondit brutalement Demian, ne changeant rien à ce qui est, je suis russe, moi, et je vous parle russe. Vous vous moquez de moi, et je ne veux pas qu'on se moque de moi. Alors ne soyez pas ridicule, dit la princesse en souriant. Est-ce tout cela que vous aviez à me dire? Cela d'abord, gronda Demian, qui se sentit faiblir à ce sourire irrésistible. Et puis que je vous aime, que vous le savez bien, que vous vous amusez à me torturer. Je me suis demandé 20 fois depuis l'autre jour si je n'avais pas rêvé. Elle se pelotonna dans son fauteuil en croisant les bras et fermant à demi les yeux. C'est cela, dit-elle de la voix douce et comme endormie qui la rendait si différente d'elle-même. Il faut toujours croire avoir rêvé. Pourquoi? Parce qu'on peut se rendormir et alors le rêve recommence. Demian, à moitié fou, la prit dans ses bras et la serra à la faire crier. Mais elle ne dit rien et continua de sourire. Quand elle fut seule, la princesse fit 2 ou 3 fois le tour du boudoir en touchant machinalement aux objets que sa main rencontrait. Puis elle s'arrêta devant son bureau et prit un petit couteau à papier en ivoire finement découpé, qu'elle fit plier comme une baleine souple entre ses 2 doigts. Ce jeu semblait amuser son irritation nerveuse. Mais tout à coup, l'ivoire trop tendu rompit avec un bruit sec, et les 2 morceaux volèrent à droite et à gauche. « Non, » se dit-elle, presque à haute voix, sans accorder une pensée au bijou détruit. « S'il se met sur ce pied-là, ce sera insupportable, je ne le veux pas. » Elle sonna, et on lui apporta son déjeuner.